J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, c'est Gaël et vous écoutez Zik Actu, et pas n'importe lequel Zik Actu, puisque ce sera le dernier tout simplement. Ça doit être la 53e émission canonique, si je compte pas les petits à côté, les albums du mois et tout ça, et ce sera la dernière. Voilà, je serai pas là cet été et je serai pas là l'année prochaine, en tous les cas pas de façon régulière, peut-être un petit Zik Actu de temps en temps. Mais voilà, rien de régulier. En tous les cas, j'espère que vous avez passé, comme moi, 2 années et demie de folie, d'agréables découvertes. Et voilà, j'espère que l'émission vous a plu et je vous demande, je vous somme de venir pleurer sur ma page Facebook au plus vite pour dire que vous êtes trop triste que ça s'arrête. La page Facebook, je vous le rappelle, c'est Zik Actu RDB, Zik ZIK. Et Actu RDB, vous pouvez vous exprimer votre tristesse, vous trouverez toute une communauté qui elle aussi souffre. Mais pour cette dernière émission, nous allons profiter de l'occasion pour faire une émission incroyable, car avec non pas un, non pas deux, mais 3 invités. Les 3 invités sont-ils là? Salut. Salut. Salut. Ah, ils sont chauds patates. Donc ça devait être 2, 3, 4. Ok. Donc nous avons de gauche à droite, en tous les cas pour moi, à la radio, ça s'entend pas, ça se voit pas surtout. Nous avons Sylvain. Salut Sylvain. Salut Gaël. Sylvain qui sera notre spécialiste. Tu es spécialiste de quoi finalement, Sylvain? De pas grand chose, je crois, mais. Ok, voilà. Nickel. C'est exactement ce que je recherchais. Ensuite, au milieu, nous avons Sullivan. Salut. Sullivan que vous connaissez déjà parce que c'est l'animateur en chef de La Bulle Coincée, l'émission qui s'est malheureusement arrêté il y a 2 mois. Et oui, les émissions ont une vie et une mort. Voilà, c'est ça. Pas pareil pour Zik Actu. Donc, on va festoyer ensemble tout ça. Et à ma droite, du coup, nous avons Jean-Phi. Salut. Jean-Phi, comment vas-tu? Ben, ça va. Pas mal. J'arrive à la bourre, mais... Non, on n'a presque rien vu. Tu vois, si t'avais rien dit, les auditeurs se seraient rendus compte de rien. J'imagine. Tout va bien. La magie de la radio. C'est ça qui est cool. Bon, bah, merci les gars d'être venus déjà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de finir cette émission à plusieurs. Parce que pour être honnête, c'est un peu ce qui manquait, à mon avis, à Zik Actu depuis 2 ans et demi. C'est-à-dire du monde, quoi. Je suis un peu tout seul. Et c'est pas facile, ça fait déjà beaucoup de boulot d'organisation et ça fait pas beaucoup de discussions en direct. Discussions avec toi. Voilà, je discute avec moi-même, mais ça intéresse pas grand monde. Bref, ce soir, merci. Si vous êtes conviés ici, ce n'est pas pour boire des bières, c'est pour parler musique. Parler musique, en fait, je vais être plus précis. Ce soir, je vous propose de jouer à une sorte de blind test débat. Vous allez voir, c'est assez pointu et à la fois pas du tout. L'idée, c'est que je vous passe des morceaux. Ouais. Des morceaux qui, vous allez voir, vont être antagonistes. Et le but du jeu premier, c'est de trouver le morceau. Donc, antagoniste, carrément. Quoi. Ouais. Ok. Ouais, vous allez voir. Donc du coup, on va faire ça bien. Vous allez annoncer votre prénom avant d'annoncer votre réponse. D'accord, on n'a pas de bumper, du coup il faut trouver un système pour que ça soit réglo. Ah, ça va être drôle. Alors, si par exemple je dis le nom de quelqu'un d'autre, je peux dire une grosse connerie, ça peut marcher. Et bah du coup ça lui fait perdre un point, voilà. c'est une stratégie. Il y a déjà des plans foireux. Je crois que je reconnaîtrai ta voix par contre. Du coup voilà, vous donnez votre prénom et puis du coup je vous donne la parole pour donner votre réponse. Et si elle est bonne, c'est parfait. On écoutera quand même les morceaux. Voilà, vous répondez le plus vite possible, mais on écoutera quand même les morceaux quasiment en entier, voilà, histoire d'écouter un peu de Zik. Ça roule ? Ok, impeccable. Et vous allez voir que tous les 2 morceaux, normalement, il y aura un petit débat qui va se créer. Si tout va bien. On commence tout de suite par premier morceau. Attention, est-ce que vous êtes chaud ? C'est ouais, parti, on est chaud. Vous pouvez évidemment jouer chez vous à ce jeu incroyable qui est le blind test. C'est en donnant votre nom. Voilà, vous donnez votre nom, vous criez devant votre autoradio ou devant votre radio, et puis je vous donnerai peut-être la parole si vous criez très fort. On commence tout de suite par le premier extrait, c'est parti. Jean-Phi en quittant Kouman. Oh là là là là. Oh là là, d'accord. Ok. Donc, mais c'est de qui? Beatles. Et Rolling Stone. Ouais, bravo. Un point pour Jean-Phi dès l'intro, très très bon. On écoute un peu et puis on discutera après, on débattra plus tard. Yeah. Écoutez donc les Rolling Stones avec Honky Tonk Woman et bravo donc à Jean-Phi qui commence ce blind test très très fort. Il a entendu le son de la cloche, il a déjà trouvé le morceau. C'est bravo Jean-Phi. Merci, mais tu m'as pas dit ce que j'avais gagné. Alors pour l'instant tu gagnes rien du tout et à la fin tu verras, tu gagneras rien non plus. Bon, d'accord. Du coup, on envoie directement le deuxième morceau. Attention, est-ce que vous êtes chaud? Ouais, c'est parti. J'aurais dû faire animateur de Vogue peut-être. On the road again, quand est-ce qu'il... Alors déjà, première faute, t'as pas dit ton prénom avant. Ouais. Et en plus de ça, c'est pas ça. Ah bon. Donc t'es éliminé. Okay. Il reste plus que le Sylvain et Sullivan pour la réponse. Est-ce que vous avez une réponse ou... Un peu Beatles quand même, non? Ah bah tout à fait même. Bravo, ah ouais, mais t'as pas dit ton prénom. Non mais moi la musique de hippie si tu veux. Ouais, d'accord. Donc les Beatles, d'accord, mais quel titre? Je sais pas, mais il y a Ravi Shankar dedans. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. C'est la période sitar indien. Ouais. Je connais pas du tout les Beatles. Je crois que t'aimes pas. Pas de nom, quoi. Je crois que t'aimes pas. En pas plus. Trop. Je voulais pourtant, pas dire c'est... à la radio, mais. Pourtant, c'est exceptionnel. Mort, on est soit Stone, soit Beatles. Voilà. Ni un ni l'autre. Alors donc c'est bien les Beatles. C'est sur Revolver. C'est à la fin de tout à la toute fin de l'album. Et le titre du morceau, ça veut pas dire. Non. Jean-Phi peut-être. Non. Un classique, j'imagine. Bah c'est pas vraiment un classique. Vraiment. J'avoue que j'ai cherché un peu parce que les Beatles, sinon c'était trop facile. Et oui. Et c'est un morceau que j'adore en plus. Avec une tourne de batterie, c'est hyper moderne ça, franchement. Ah, oui, c'est hyper moderne. Brother, ouais. Au niveau de la, ouais, du mix de la voix, là, c'est. Ouais, c'est fou, hein. C'est assez ouf. On dirait les Chemical Brothers, tu dis. Ouais, ouais. Moi, j'aurais dit que Britney Spears n'a rien inventé, quoi. Carrément. Ouais. Alors, ça s'appelait Tomorrow Never Knows, on en écoute un peu. Voilà, c'était donc les Beatles dans leur période complètement psychée, au top de l'expérimentation. C'était ça en 1966, okay. Sur l'album Revolver. Et du coup, bah, tout ça nous amène à un petit débat tout chaud, tout bien évident, c'est-à-dire les Beatles ou les Stones. C'est ça la grande question. C'est ce que je disais. Et voilà, c'est exactement ce que tu disais. Donc, bah, vous pouvez exprimer votre opinion. Alors du coup, Jean-Phi, toi, c'est quoi ta famille? J'en ai pas vraiment, en fait. Ouais, c'est pas si facile que ça. Non, parce que les deux sont bien. Ah, mais tellement intéressants sur les deux. Et en même temps, si tu dis ça, il n'y a pas de débat. Bah ouais, mais on a toujours voulu confronter le côté un peu rebelle des Stones et le garçon gentil des Beatles. Et puis, c'était surtout de la promo pour faire vendre à l'époque. Bah ouais, carrément. Tu crois qu'en fait ils étaient complices, enfin, un peu potes? Sûrement. Ah oui, mais ils étaient même vachement potes. Si tu lis les biographies des gars, je me souviens, j'ai vu celle de Keith Richard, il disait qu'ils s'entendaient pas mal du tout, quoi. Ah, d'accord. Que les managers derrière, ils savaient que ça fait vendre. C'est ils instrumentalisaient un peu l'histoire. Ah oui, déjà, quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'était nouveau, donc tout restait à faire, mais bon, dès qu'il y avait à faire de l'argent, de toute manière, c'est vite devenu un business. Donc d'entrée. Alors sur les Beatles, ça a bien marché, le business, en tous les cas, sur les 10 années de vie des Beatles. C'était complètement ouf. C'est le seul groupe qui pouvait pas faire de concert tellement les fans étaient hystériques quand même. Eh oui. Dans l'histoire. Mais bon, et après les Stones, ils ont une autre histoire, c'est qu'ils jouent toujours, quoi. C'est vrai. C'est du coup, pour la postérité, c'est plus compliqué. On aurait plus tendance à déifier les Beatles parce que ça joue plus et puis parce qu'il y a eu un mort à l'époque et puis d'autres par la suite. Rock'n'roll, Dae Young. Ouais, et voilà, c'est ça, ça aide un peu. Mm. Moi, honnêtement, je suis complètement Beatles. Ah ouais. Ouais, moi je fais vraiment. Ça m'étonne pas. Rien que là sur les deux morceaux, je trouve que la recherche qu'il y a sur les Beatles et puis le côté avant-gardiste, puis voilà, le côté polyphonique, il y a un côté peut-être certes plus propre, mais en même temps tellement plus savant, plus expérimental chez les Beatles. Les Stones c'est plus brut, ouais, généralement. Ouais. Mais en même temps, ils ont des albums où ils sont bien amusés à chercher des trucs intéressants. Ils sont sûrement allés peut-être un peu moins loin, mais. Ouais, du coup, je sais pas, je suis toujours resté devant les Stones, je les connais, tu vois, les morceaux, mais ça me touche pas. Et toi, Sylvain, t'as choisi ton clan ? Moi, c'est un peu pareil, hein. Bien que, voilà, quoi, que j'ai plus de plaisir à écouter souvent les morceaux des Stones, quand même. Ah ouais, d'accord. Moi, c'est peut-être le côté savant, comme tu dis, des Beatles, qui des fois me plaît moins, voilà. D'accord. Mais ça dépend des morceaux et puis c'est très aléatoire. Hein. Il y a pas mal de recherches aussi vachement intéressantes. Mais, j'aime le côté brut. Ouais, le côté rock'n'roll. En fait, ouais, là où ils sont moins bons, les Beatles, c'est sur le côté rock'n'roll, sur le début de leur carrière. Il y a un truc qui est le côté rockabilly, finalement, très, très propre. Ça fonctionne pas hyper bien. Là où les Stones sont un côté déjà très avant-gardiste dans le côté rock, en fait. Ouais, puis l'attitude aussi. Dans l'attitude, carrément. Ils ont pas mal emprunté au blues, d'ailleurs. Beaucoup, ouais. Ouais, carrément. Au début, ouais. Ils ont joué avec plusieurs bluesmen. Ils faisaient des reprises au début. Ouais. On a eu du Chuck Berry, ils ont creusé dans tout le répertoire des bluesmen. Peut-être que les Beatles étaient plus du coup dans le côté rockabilly et les Stones plus dans le côté blues, en fait, dès le départ. Ouais, les Beatles, c'est plus pop. Ouais. Alors, c'est ça, il y a le côté pop qui ressort, la mélodie au début plus gentillette. Mais je crois que je suis définitivement pop, moi, au final. Trop gentil. C'est ça. Je suis peut-être trop gentil. C'est des tempéraments. C'est ça, il y a les gentils et les méchants, c'est ça qui est drôle. Bon, voilà, cela dit, moi j'aime bien la pop aussi. C'est pour ça que c'est toujours un peu. Ça classe vite fait quand tu parles de Beatles ou Stone, alors qu'en fin de compte, ça reste. Puis t'écoutes vraiment les arrangements des Stones au niveau des guitares, c'est assez incroyable ce qu'ils font, quoi. C'est vrai que Keith Richards, quand même, sacré guitariste, le placement rythmique et. Ouais, carrément. Tout le monde croit que c'est facile, mais en fait, c'est. Wow. Carrément. Super bien recherché, quoi. Après, tu parlais des arrangements, il n'y a souvent qu'une seule guitare, en fait. Ah, il y a toujours eu deux guitares. Deux guitares, mais qui font la même chose, non, quasi. Ah, ben non, justement, tu vois, c'est bien, c'est les riffs qui se complètent, ils jouent. Comme un Tetris. Je suis passé à côté. D'accord. C'est vraiment intéressant. Hein. Ok, bon. À approfondir, alors, du coup, les Stones, pour moi, je sais que j'ai des lacunes de ce côté-là. Sinon, écoutez Metallica. Pas mal non plus. Ou Motorhead. Ça, c'est un autre débat. On continue avec un autre extrait. Attention, le blind test recommence. Je vous rappelle que vous avez donné votre prénom, sinon votre point ne sera pas validé. Encore faudrait-il que quelqu'un compte les points. C'est ça. Oasis. Oh, il est bon, Oasis. Bravo, un point. C'est Jean-Philippe qui a trouvé. You C'est bien beau tout ça, mais vous m'avez pas donné le titre du morceau. Supersonic. Ah, il est très très bon. Il est très très bon. Ah, mais ça, c'est des souvenirs d'adolescents, quand même. Bah ouais, carrément. Donc, c'est le morceau qui les a lancés, on se demandait un peu. C'est un des premiers trucs qui a très très bien marché. Qui a cartonné, pour ouais. En après, tout cas à l'étranger, quoi. C'est sur l'album Definitely Maybe, donc ça veut dire que c'est pas le tout début. Que je dise pas de bêtises. C'est pas le deuxième, là. Alors attends. Definitely. Ah bah si, c'est le premier. Si si, c'est celui, c'est le premier. Sûr. Donc c'est avant Wonderwall, c'était en 1994. Donc en effet, c'est le premier titre qui a cartonné et c'est le premier qu'on connaît bien sur leur premier album, ouais. Yes. Tout à fait. Remets un peu, vas-y. Allez, c'est cool, c'est plaisir quoi. Ça roule. Voilà, vous écoutiez Oasis, le titre Supersonic, comme le disait si bien Sullivan. Et donc c'était, voilà, un premier extrait, un point pour Sullivan. On continue avec un autre groupe, prochain extrait. C'est raté. She's a girl. Now what you done? Beat a bum. Get nothing done. Beat a bum. Tu lui vannes. Beat de Harty. C'est raté, t'as pas le droit de donner une deuxième réponse de toute façon. Donc maintenant ça, si, c'est le mariage, j'en fiche. Ah non, il y a que Sullivan qui s'exprime. T'as dit Doherty, c'est des Miller Kim. Ouais, c'est ça. Je crois reconnaître la voix de Damon Albarn. Damon Albarn. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est Blur. Blur, tout à fait. Oh là là, ah, les gars. Beetlebum, le nom du morceau. Si je vous avais passé le titre d'après sur cet album, vous auriez reconnu dès l'intro de batterie. C'est celui-là qu'il fallait mettre. Bah non. Eh bah justement pas. Non, mais oui. Fallait chercher un peu. Ça, c'était Blur, donc. Du coup. Et je te vois venir avec ton débat. C'est vrai qu'il y a eu un peu la même polémique. Tout on est Blur ou on est Oasis. Ouais, c'était un peu la volonté de recréer l'antagonisme qu'il y a eu avec les Beatles et les Rolling Stones avec Oasis et Blur. C'est toujours un peu bidon en fait ces histoires-là. Choisir un groupe sur deux, c'est un peu débile, mais le faire une deuxième fois, c'est mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est, et c'est pour ça aussi qu'il y a du débat. Donc du coup, je vais vous demander de choisir entre Blur et Oasis. Alors, Blur, moi franchement. Blur. Le projet Gorillaz, par exemple, ouais. C'est un truc super intéressant, super créatif. Même si la musique, j'adhère à moitié. dès le départ. Alors tu peux resituer le projet Gorillaz justement. Bah, le projet Gorillaz, alors je sais pas, mais c'est que le chanteur, donc Damon Albarn. Albarn. qui chantait et avec cette espèce d'avatar dessin animé, ouais. Ils ont fait plusieurs morceaux super bien. Je crois qu'il était tout seul même. En fait, Gorillaz. Exactement. Gorillaz, c'est une entreprise. C'est une entreprise vraiment. C'est créé sous forme d'entreprise entre Damon Albarn et Jamie Hewlett. Okay. Jamie Hewlett, que du coup tu dois peut-être plus connaître que moi, c'est un auteur de comics qui a fait notamment Tank Girl. D'accord. Ah bah ouais. C'est le même dessinateur. Voilà. C'est celui qui faisait tous les clips et tout. Ouais. C'est ça. Et donc avec une identité graphique hyper forte. Et puis voilà, un projet hyper fort sous forme d'invité en fait. Il y a Damon Albarn pour la musique et puis Jamie Hewlett pour le graphisme. Et puis derrière, ils invitaient plein de monde. Donc du coup, ça pouvait faire des scènes avec 30 musiciens sans souci. Et Gorillaz, c'est hyper. Les Clash. Ouais. Dans le dernier, ils ont joué avec les Clash. Ah ouais. Les deux musiciens des Clash. Ouais. Excellent. Ah ouais. Quand même. Ouais, c'est vraiment hyper novateur comme façon de penser à la musique, le côté entreprise. Moi, ça fait presque un peu peur. C'est Radiohead qui fait ça aussi. Pour chaque album, ils montent une nouvelle entreprise. Comme si ça marche pas et que l'entreprise fait faillite, c'est pas grave. Ils ont les entreprises précédentes. Je savais pas ça. J'ai entendu ça. Excellent. Donc, toi, plutôt Blur, Sullivan. Et toi, Sylvain? Non, moi pareil, je reste cohérent, plutôt Blur. D'accord. Non, mais plutôt Blur. Oui, cohérent par rapport à la coupe de cheveux. La coupe de cheveux, voilà. D'accord. Non, côté rock, Beatlestone. Mais Blur, voilà. Même si entre les deux, quand même, j'ai pas non plus trop écouté. J'ai plus écouté Gorillaz que Blur. Voilà. Ouais. Ouais, pareil. Pareil, moi j'ai même découvert Blur par Gorillaz en fait. Ah ouais, d'accord. Ces albums-là, vous les avez pas écoutés quand ils sont sortis? Pas vraiment. Le Song 2 et tout ça? Et toi, Jean-Phi? Écoute, moi, ça sera plutôt Blur. Mais je t'avoue que tous ces mouvements pop, la Britpop, là, qu'ils ont appelé, ça m'a un petit peu saoulé. Donc, je suis pas trop fan. Mmh. D'accord. Tu vois, si Blur, j'aime bien. Gorillaz, pas mal du tout. J'aime bien le projet. Ouais. Mais tout le mouvement qu'il y a eu, là, c'était. Mais disons, j'ai rien trouvé d'intéressant, vraiment. Il y a un côté tube un peu facile, quand même. Ouais, peut-être. Derrière tout ça, quoi. Je sais pas. Je disais, moi, Oasis, j'ai toujours trouvé ça lourdingue. Donc. Après, c'est vraiment complètement le titre subjectif. Qu'on a écouté est pas mal en fait. Le Supersonic, justement, ça donne envie de se replonger dans le premier album. Je trouve qu'il est nettement moins usé que Wonderwall, par exemple, qui est un morceau usé, quoi. C'est rincé. Ouais. Ouais. C'est un peu dur à écouter maintenant. Je sais pas ce que t'en penses, Sophie. Toi qui le fais jouer à la guitare, j'imagine, de temps en temps. C'est rare. Ou alors, c'est tellement usé que tu veux plus l'entendre. Ouais. Donc, si on me le demande, je me débrouille pour. Pour bifier. Ouais, mais tu vas voir. C'est sûr qu'il y a d'autres morceaux plus intéressants, tout ça. ce qu'il faut savoir, c'est que Blur a ressorti un album cette année, en fait, voire l'année dernière, je sais plus, mais vraiment très récemment. Blur, ils se sont reformés, ils ont refait un album qui est, à mon goût, complètement insipide. Ah bon, j'ai pas écouté, moi. Ouais, c'est je sais pas, j'en retiens absolument rien. Contrairement à l'album de Damon Albarn qui était sorti l'année dernière, qui est excellent, si vous avez il a fait un album solo. Et il est super bien, il est vraiment super bien. Et l'album de Blur, je crois qu'ils l'ont fait un peu à l'arrache à Hong Kong, au milieu de je sais pas quoi. Enfin, ils se sont retrouvés à Hong Kong tous les quatre. Alors peut-être qu'il y a une histoire qui a été montée autour. Hein. Mais il y a un côté assez asiatique qui est plutôt sympa. Mais ça semble l'album fait à l'arrache, quoi. Bon, enfin, c'est mon avis. Pour faire une tournée. Ouais. Peut-être. Sûrement. Alors j'imagine qu'ils ont tourné derrière. Mais voilà, Blur existe toujours, du coup, officiellement. Oasis, c'était les frères Gallagher, Noël et Liam Gallagher. Il y en a un qui a fait une overdose. Oui. En prison. Ils ont fait des solos, dans les albums solos. Ouais, ils ont fait des albums solos. Aux dernières nouvelles, si mes infos sont bonnes, ils sont toujours vivants. Faut toujours vérifier les infos de Zika. Pardon, c'est une question. Non, eux, ils ont pas fait d'overdose, a priori. Mais bon, ils ont pas du tout la postérité d'un Damon Albarn. C'est un mec incroyable. On en a parlé pas mal dans les Zika Actu. Encore une fois. Mais qu'il est hyper créatif, quoi. Il a joué avec plein de mecs, en fait. Il est partout, ce mec. Il a fait un titre pour Amadou et Mariam, par exemple. Ouais. Ah ouais. Et qui est super bien. Le morceau est super bien. Il a fait un opéra en chinois. Yes. Voilà. Il a fait un opéra en anglais aussi, un truc hyper, hyper barré. Il a fait un album avec des musiciens d'Afrique, je dirais. Oui, j'avais vu ça, ouais. Je sais plus quel pays, par contre. J'ai zappé le truc. Mais voilà. Enfin, Damon Albarn, c'est vraiment un type incroyable pour moi. Donc Oasis Blur, c'est Blur les grands gagnants, et merci les gars, je suis d'accord avec vous. On continue avec un nouvel extrait, attention c'est parti. Ah non, ça c'est pas nouveau. Blur. Yes, t'as pas dit ton nom. Là c'est nouveau. On dirait Muse. C'est Muse. Bravo. Ouais. Bon, je vous demande pas le titre parce que là, ça va être galère. Il y a un piège là. Defector, le titre. tout à fait, c'était Muse. Donc, le truc, c'est que c'est un extrait du dernier album de Muse. D'accord. Donc, l'album s'appelle Drone et est sorti l'année dernière, 2015. Ouais. Gros carton auprès des Jones. Ah, on dirait Queen avec un gros son, quoi. On dirait Queen on dirait The Who. On dirait The Who avec le côté opéra. Ah ouais, tu dirais The Who, toi. Opéra rock comme ça, ouais. Pourquoi pas? Super ouais, mis en scène, tu sais. Ça, ça fait Queen, là. Ça, voilà. Ça fait Queen. Ça fait Queen, totalement. C'était ce moment-là. Ok. Donc, un point pour Jean-Philippe. On continue. Prochain extrait. Oh, non, on l'a pas écouté celui-là. Allez, on écoute un peu. Voilà, c'est le solo de guitare, je me permets de couper. C'était donc Muse avec Defector. On continue, prochain extrait, c'est parti. Radiohead. Ouais. Là, vous commencez à me voir venir, là, je crois. Le titre du morceau. Alors ça. Ça s'appelle Burn the Witch et ça vient juste de sortir sur l'album A Moon Shaped Pool. On écoute. C'était Radiohead avec le titre Burn the Witch. Donc ça vient juste de sortir, ça c'est sorti en mai je crois, leur nouvel album. Radiohead sort encore des albums comme Muse en fait. Donc le débat, le troisième débat qui oppose deux groupes. Et je sais pas si vous l'avez vécu celui-ci, mais vraiment on pouvait pas aimer à la fois Muse et Radiohead au début des années 2000. Mmh. Et vous alors? Comment vous moi avez... j'aimais Radiohead avant les années 2000, alors du coup quand Muse est arrivé... Oui. Ça m'a paru d'être des copieurs. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Bah, sur leurs premiers albums, les quelques morceaux dont je me souviens, c'est vrai que ça ressemblait très très très fortement à Radiohead. Et du coup, c'était inécoutable, d'office. Alors qu'il y a des morceaux qui sont bien. Et moi j'ai fait le contraire en fait. J'ai découvert Muse d'abord et après on m'a dit ouais mais en fait ils ont tout pompé à Radiohead. J'ai écouté OK Computer de Radiohead. Ouais. Là, le premier morceau j'ai fait c'est quoi ce truc. Je me suis dit non ça va pas le faire en fait. Et en fait c'est génial hein. Radiohead c'est génial, je dirais pas le contraire. Mais moi du coup j'ai connu Muse avant. D'accord. Et toi Jean-Phi? Ben moi j'ai découvert Radiohead avec Creep quand il est sorti. J'avais acheté l'album. C'est vrai qu'après il y a eu The Band qui est déjà bien différent. Après, t'as eu OK Computer, alors là, c'est la plongée carrément dans le Floyd. Il n'y a pas que ça, mais... Et ça t'a pas plu ou ça t'a J'ai trouvé ça génial. Ouais, il est génial, ça, il reste génial cet album. Hein. Et du coup, je comprends la comparaison avec Muse, mais Muse, si on dit que Muse, ils ont pompé Radiohead, c'est surtout sur les premiers albums, surtout ce qui est par rapport à Creep, tout ça, après... Après, ils sont partis dans autre chose, mais c'est vrai que le premier album. Ils sont restés sur un côté un petit peu hard rock, un petit peu plus dur. Radiohead a jamais franchi, ouais, ce côté. Voilà. Ce côté ils ont métal. Même carrément parti de là, quoi. C'est vrai que le premier album, il y a beaucoup les guitares saturées qu'on retrouve dans Creep, quoi. Mais après, un peu dans The Band, et puis après, c'est fini. C'est vrai que Radiohead se réinvente un peu à chaque album. Ouais, à chaque fois, ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas de Muse. faut être tout à fait honnête. Merci. On sait pas trop où ils veulent aller. Et toi, Sylvain? Moi, entre les deux, c'est pas. Enfin, comment dire? J'ai pas de préférence, on va dire. Voilà. J'ai connu Radiohead avec l'album Kida. Non, c'est Kida, hein, c'est ça que t'as dit. Ouais. Ah ouais, non. Donc assez tard. Plus tard, ouais. Ouais. Là, ils avaient déjà. Ils avaient, ouais, pour le virage. Le virage était déjà fait, ouais. Dans le côté un peu électronique. Trop pour moi. Mais pourtant, électronique, j'aimais ça, mais justement. Voilà. Et Muse, j'aime bien le côté quand même efficace, enfin, qu'ils ont, quoi. Quand même assez brut aussi, pas mal. Mais je vois pas trop, je pourrais comment dire. Pas trop de raisons de les avoir copiés, quoi. C'est pas vraiment le même genre de. Bah, disons qu'ils sont quand même. Disons, rock. Je trouve qu'ils ont des références qui sont des fois bien évidentes. Tu vois, quand on disait Queen tout à l'heure, il y a plein, ça se réfère à des groupes. Ah, mais oui, album de rock progressif, là, pareil, c'était. Tu reconnaissais plein des trucs, des trucs comme ça. Ouais, c'est pas très créatif. Ouais. Mais en même temps, si, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Mais bon, c'est marrant parce que t'écoutes ça, t'as l'impression déjà d'avoir. Ça te parle, quoi. Oui, complètement. Tu dis, tiens. Et c'est vachement bien fait par contre. Alors pour moi, c'est vrai à partir du 3e, 4e album, ça. Et pour moi, les deux premiers albums de Muse, particulièrement, ont une identité propre. Et c'est pas du tout pour moi une copie de Radiohead. Elle est peut-être à 2-3, une bricole de temps en temps. Mais pour moi, c'était. Enfin, je sais pas, pour moi, c'était un électrochoc l'écoute du premier album de Muse. Je me suis dit, mais c'est incroyable, on n'a jamais entendu ça. Et puis, en fait, plus jamais personne n'a fait ça. Plus jamais personne n'a fait le premier et le deuxième album de Muse. Personne ne fait ça. Ça m'a pas fait cet effet, tu vois. J'avais déjà des petites références, ça me parlait. Pourtant, j'ai vraiment adoré le deuxième surtout. Ouais, Origin of Symmetry, t'as raison, c'est absolument pour moi, c'est le meilleur aussi. Et je les ai vus sur scène à cette époque. Ouais, pareil. C'était énorme. Ouais, carrément. C'était un groupe de scène assez waouh. Ah, et puis ils avaient la fougue encore, c'est un jeune groupe, hein. C'est des mecs qui ont commencé à 18 ans. Enfin, je sais pas à quel âge ils ont sorti Showbiz, le premier album. Ils avaient 19, quoi. Pas bien plus, hein. Ouais. Que oui. Muse, ça reste un groupe qui me tient énormément à cœur, mais malheureusement, c'est assez difficilement défendable face à Radiohead maintenant. Surtout passé la trentaine, tu te dis Muse, eux, ils sont restés un groupe pour jeunes, quoi. Alors que Radiohead a évolué, en fait. Ouais, mais ils ont quand même une énergie qui fait que justement, ça peut. Ils évoluent différemment, quoi. Ouais. Plus dans la production, là, tous les albums qu'il y a eu de Muse notamment, c'est quand même très très produit, il y a plein de choses derrière. Carrément. Ceci dit, c'est sur un gros son, quoi, plus. Alors que Radiohead, il y a une recherche sonore, c'est un peu différent. Il y a des morceaux de génie, quand même, dans Radiohead, dans Kida. Des morceaux qui touchent au génie, qui n'ont jamais été égalés. Je trouve très bien, en tout cas. Carrément. Mais moi, j'ai une question à vous poser droit dans les yeux. Est-ce que vous avez déjà écouté un album de Radiohead en entier? Excepté, évidemment, OK Computer. Oui, bien sûr. Ah bah ouais. Oui, carrément. J'ai découvert l'album du frère de Tom York. Ah bon? Qui s'appelle je sais plus mais Monsieur York quoi. Un autre Monsieur York c'était un peu dans le même délire. D'accord. assez chouette aussi. Ah bah ça serait à découvrir, je connais pas du tout. Moi j'avoue que je peux pas arriver à la fin d'un album de radio. À part OK Computer parce qu'il y a que des tubes et puis on est l'oreille est habituée à ces morceaux là on les entend sur M6 tous les deux montages. mais sinon c'est un peu je trouve que c'est long quoi. La drogue. La drogue, peut-être. Et le dernier, vous l'avez écouté, là, A Moon Shaped Pool? Ah non, pas encore. Alors, pas du tout. Par contre, ça m'a complètement passé. J'ai beaucoup aimé le morceau, là. ce morceau, ouais, la programmation justement de cordes est très chouette. Ouais. Mais bon, ouais. Tom York, bon, comme Matthew Bellamy, on les sent venir à des kilomètres, quoi. On sait exactement comment ils vont chanter avant même qu'ils chantent. Je sais pas si c'est une mauvaise sensation, mais. Donc, eh ben, allez, faut voter quand même. Muse ou Radiohead alors, Sylvain, tiens. C'est difficile. C'est dur. C'est ouais. Mais je vote Muse. Eh ben, moi aussi, deux voix pour Muse. Radiohead. Moi aussi, Radiohead. Voilà. Eh ben, deux voix partout, impeccable. C'est ouais. Beau. Privilège de l'âge. ça marche. Du coup, bon, là, j'ai pas de morceaux vraiment à passer, mais tous ces morceaux s'y prêtent bien. On a fait une petite avancée des années 60 jusqu'aux années 2000 avec à chaque fois deux groupes antagonistes. Et la question qui me vient maintenant, c'est est-ce que le rock ou la pop, c'était mieux avant? Est-ce que les Rolling Stones, c'est mieux que Radiohead? C'est compliqué comme question. Hein. Mais est-ce que vous écoutez toujours des morceaux des années 60-70 ou est-ce que vous êtes passé à autre chose et que du coup c'est difficile à écouter maintenant? Ça dépend des périodes. Jean-Fille, on t'écoute. Ça dépend des périodes, ça dépend des humeurs aussi, mais non. Moi je prends tout ce qui vient. Des fois j'ai plus de mal, j'avoue, avec des albums des années 80 parce que. Ouais. Il y a toute cette production énorme quoi, y a un trou, qu'on a pris dans la figure. C'est au niveau du son surtout, c'est pas tellement au niveau de la composition en elle-même. Ouais, il y a de très chouettes morceaux, mais j'ai du mal à les écouter parce que les tonnes de réverb sur les caisses claires des batteries, les effets, les sons synthétiques, tu sentais que là on découvrait des nouveaux joujoux et on allait les essayer jusqu'à l'extrême. Donc il y a plein d'albums que j'ai du mal à écouter, mais en même temps les années 80 reviennent là, donc depuis. Et ça c'est triste. Je sais pas, parce que maintenant le son est plutôt bien. Ce serait dommage que. Il y a peut-être moins d'accès, je sais pas. Pour l'instant, tu verras dans 5 ans déjà, ça te paraîtra. Bon, en même temps, c'est compliqué parce que maintenant les groupes qui sortent, qui marchent en ce moment, c'est ce qu'on appelle le classic rock, c'est du son qui était fait dans les années 70, quoi. Tu penses à qui? Bah, là, je vois un groupe qui s'appelle Rival Son, là, qui cartonne à fond, ouais. Qui est excellent, quoi. Et qui a un son énorme et que, voilà, ils veulent le son de ces années-là, quoi. Donc c'est l'éternel retour en arrière. Ouais. Mais c'est super bon, quoi. D'accord. Et toi, Sullivan, t'écoutes que des vieux trucs ou t'arrives à écouter des... Pas beaucoup. Je peux retomber avec plaisir sur un morceau de Radiohead, par exemple, mais sinon... Mais vraiment, ce sera une Madeleine de Proust. Hein, c'est pas... c'est... Plus... je découvre plus des morceaux ou des groupes de métal des années 60-70. D'accord. Du genre les Stooges, le premier groupe d'Iggy Pop, voilà, il y a des trucs super écoutables aujourd'hui, quoi, qui sont très très très très bien foutus. Et mais par contre, non, en fait, j'ai jamais vraiment écouté les morceaux des années 70, les Beatles, et les Rolling Stones. Jamais été trop ma cam. Ok, toi Sylvain? Mais moi, pas mal. J'aime bien écouter, enfin, notamment le rock des années 60-70, pas mal, quoi. Mais aussi de la musique actuelle. Je n'écoute pas que des. Ouais, mais c'est bien. Après, l'un n'empêche pas l'autre, c'est ça qui est. Bah, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de groupes et il y a eu. Voilà, quoi. En plus de groupes phares, il y a pas mal de choses à côté, quoi, à découvrir, même dans ces années-là. Mais, enfin, pour moi. Et après. Après, voilà, non, comment dire. J'aime bien aussi le son qu'il y a, le son sur les... La production. La production, ouais. Analogique, quoi. Ouais, puis c'est pas vraiment analogique, c'est qu'il y a aussi, comment dire, parfois t'as moins d'effets, donc ça triche moins sur le jeu, quoi. Voilà. Ah bah oui, carrément. Et du coup, il y a ce côté-là qui est intéressant, parce que ça crée, voilà. C'est au niveau du son, c'est intéressant. J'avoue. Ouais, puis si on écoute des albums maintenant, t'as jamais rien à côté, quoi. Voilà, c'est tout très, est recalé, recalé. Exactement, ouais. Et du coup, c'est toujours très très propre ce qu'on entend, et c'est presque mensonger, en fait. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, le travail de la production, il est pour... Enfin, parfois, c'est un peu le... Ouais. Et oui, c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement aussi de tous ces groupes qui veulent jouer comme les anciens, avec le Stoner, tout ça, ces groupes-là qui pompent pas mal sur Black Sabbath. Et... Ouais, ouais. En fait, eux, ils s'emmerdent pas à jouer tout le temps avec un clic ou être bien droit. Justement, ils demandent pas ça, quoi. Et ils enregistrent sans clic, les mecs? Je sais pas, mais je sais que là, des fois, t'entends les batteurs, ils jouent en arrière du temps. Des fois, tu sens que c'est vachement libre, quoi, au niveau de la pulse, la pulsation et tout. Et en fait, c'est pour ça que ça, justement, que ça groove. Ce qu'on a... Ouais. Tu vois. Et ça correspond au style aussi. C'est un autre groove. Tu penses à Queen of the Stone Age, par exemple? Bah, entre autres, ouais. Quoique, pareil, un groupe qui évolue, qui évolue pas mal, quoi. Ouais, carrément. Bon, on saura pas si c'était mieux avant, alors. Ah non. C'était différent. Je pense que ça serait triste de dire que c'était mieux avant. On pleurerait un peu, ça serait dommage. Je pense que c'est une question qu'il faut même pas se poser. Parce que je vois maintenant, même avec tous les jeunes avec qui on travaille et tout, ils sont ouverts à ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y a avant, et ils prennent c'est tout. C'est clair. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus d'œillères. Donc ah ouais. Maintenant, on peut tout écouter et trouver qu'il y a du bon dans tous les styles, quoi. C'est vrai. Moi, ça, c'est génial. Ça fait plaisir. C'est encourageant. Ok, on continue avec un autre morceau. Attention, là, c'est nettement plus difficile. Enfin, bon, on va voir. Allez, attention, donc on repart en blind test. Blind test. Je vous rappelle, vous donnez votre prénom avant la réponse. Escred, balance cette merde rétro-futuriste. Sullivan. Orelsan. Ouais, il est bon le mec. Dès l'intro, ouais, on écoute un peu. Depuis 6 mois je m'isole. J'ai regardé One Piece 8 fois, les 460 épisodes. Une sorte de blanc qui se prend pour un Shintok. J'essaye de sortir plus de classiques que les usines Reebok. Un cyborg version 2.0. Je suis toujours dans les temps comme ton père à l'heure de l'apéro. Orelsan, c'est Aurélien, j'ai pas d'alter ego. De toute façon y'en avait pas un pour rattraper l'os. Pourquoi tu me donnes ta démo? Je suis pas producteur. Avant que tu me parles j'étais de bonne humeur. Charme destructeur, frappe pas, j'suis en gros une sœur. Je traîne avec une bande d'enfoirés mais on fait que dans le resto du cœur. C'est pas du rap de geek, c'est pas du rap comique. C'est la musique d'un type en passe de devenir alcoolique. J'écris avec le sang d'une vierge, des vers c'est diabolique. Je suis en détourné plus de gosses que l'église catholique. Tu me verras pas aux francopholies, mais tu peux me trouver chez le psy en train de discuter de ma transophobie. On m'a dit tais-toi, nettoie. Pauvre conne, lèche-moi les noix, cochonne, mets-toi des doigts. Je veux faire des tubes en restant moi-même et je garde espoir. Je préfère bosser au McDo qu'avoir la plume de Grégoire. J'ai la magie du terroir, ma jeunesse du shit, des scooters, des bières, des baguilles, des superstars. Des textes sur mes devoirs, trois bandes blanches sur un survêt noir. Mes défaites font mes plus belles gloires. J'aime voir l'amour dans les yeux d'une fille avant que mes spermatozoïdes cherchent à féconder sa pupille. J'suis pas là pour me faire des amis. J'préfère extorquer des gamines suicidaires featuring Genali. J'ai à peu près la même réputation que Chef Mamie. Tant pis, comme disait Kienry, sur la vie. J'ai un camp, ça s'entend, j'ai l'accent pas normand. J'parle lentement, j'ai un coup de barre depuis mes 14 ans. Ton album, ça sort quand? Pitié, tu l'auras sûrement téléchargé avant que j'ai fini de l'enregistrer. Mais qu'est-ce que tu sais faire à part cliquer, à part critiquer, à part flipper, te faire griller ton adresse IP? Ils font pas du rap conscient, ils racontent le JT. Rien à foutre de la bonne cause, j'suis contre le Tibet. Quand j'suis sur scène, je veux t'entendre crier. Quand je baisse, je veux t'entendre crier. Des mots, des phrases, des flots, des faces, des métaphores, des mauvaises vannes. Bientôt j'arrête, je dépose les armes, je commence à m'ennuyer. Je fais toute la nuit, j'écris, je crache du papier. Je me lève à 15h, je relis, je trouve ça nul à chier. Le rap, je kifferai de la même façon que je le kiffais. Mon nom à moi serait San, oui tu l'as deviné. Voilà, c'était Orelsan, un extrait du Chant des Sirènes. Le titre du morceau, bah, il vient d'être dit, c'était 2010. Et 2010, ce qui est marrant, c'est que ce titre, donc, il est sur le Chant des Sirènes et il est juste après un morceau qui s'appelle 1990. On écoute juste le début pour. En gros, c'est un peu les deux époques, bah, du hip-hop, la première avec les années 90. Et puis, du coup, ce qu'on en a fait en 2010, on écoute 1990 pour se mettre un peu dans l'ambiance. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Hey, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Hey, yo, hey, yo. Tiggity check le mic quand j'arrive dans la session. Comme mon survêt Adidas, j'augmente la pression. Dans les années 90, nouvelle génération. Ils disent qu'on est des fous parce qu'on écoute nos Walkman à fond. Peu, passe-moi Gromy. Que je me serve de ma tête comme le but de Basil Boli. Que je big up, one love à tout mon possi. Je traîne avec plus d'étoiles que si j'étais dans Shinobi. Quand ils voient nos styles dans nos vidéos clips, les Wiggly Wack MCs font leurs valises comme gros quick. Tout va trop vite, nouvelle technologie. Bebop, tatou, tam tam, Kobe. Oh oui, j'utilise plus de bande qu'une momie, j'écris des rimes sales comme Dolly. Golden, le RPR trouve ma musique obscène, mais je serai bientôt dans le top 50 avec ma paire de top 10. Est-ce que je mens? Voilà, je le trouve excellent. Le top 50. C'est excellent, quoi. C'est deux morceaux. Ouais. C'est excellent parce qu'il copie grave le style du moment, quoi. Il le fait bien. Il le fait super bien. Mais en vrai, ça, c'est génial. Hein. Moi, je suis ultra fan, mais. Ouais, pareil. Des textes vraiment intéressants. Il a fait un super film, d'ailleurs. Un film? Ah oui, ouais. Ouais, Comment c'est loin, j'adore. Ouais, voilà. Il était super bien ce film, ouais. Hyper sincère, hyper vrai. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais, voilà. Et il a écrit les dialogues. Et ouais. Je pense que, ouais, il y a un côté poésie nihiliste assez absurde. Ouais. Assez agréable, quoi. Alors, je sais pas si ça marche que avec les trentenaires, mais. Ah ouais, peut-être, ouais. c'est un peu le risque, mais ouais, j'ai trouvé excellent aussi. Et du coup, Jean-Phi et Sylvain, vous connaissez un peu? Ouais. Ah, un petit peu comme ça, ouais, mais j'aime bien. Ok, on en reparle tout petit peu après, on écoute un autre morceau, donc le blind test recommence. Ça marche. I got a bone to pick. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends. run the game, got the whole world talking King Kunta. Everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking King Kunta. Everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh no, I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got the butter bunk in it. Vous restez pantois. C'est marrant. Non, c'est pour ça que je le dis pas. La voix est pas évidente à reconnaître. Parce que ouais. Si j'avance un peu. Ouais. Si on écoute un autre morceau de lui. Ouais, c'est ça. Lil Wayne. Non. Non, c'est pas évident. Là. Faut être un peu spécialiste. C'était Kendrick Lamar. Ok. Non, je cherchais un artiste rap US et moi je trouve que lui c'est super bien, donc du coup j'en profitais pour passer. Ça a l'air pas mal. Voilà, Kendrick Lamar, il a un côté un peu défricheur, un côté voilà, toujours un peu expérimental que j'aime bien. Et genre son dernier morceau, son dernier album qui est sorti en mars s'appelle Untilted 07 Levitate. Et tous les morceaux s'appellent Untilted, Untilt avec les dates à laquelle il les a fait en fait. C'est pas du tout commercial, du coup. Enfin, c'est pas vendeur du tout, en tout cas. Mais voilà, c'est pour moi, c'est un des grands noms du rap US maintenant. J'aurais pu vous passer Eminem, j'avoue que ça aurait été quand même nettement plus simple. Et puis là. Redis le nom du. Kendrick Lamar. D'accord. Voilà, puis là, du coup, Eminem et Orelsan, ça aurait pu le faire finalement. Bon, pas de soucis. Par contre, la question qui me vient, du coup, c'est rap FR ou rap US ? Pas facile. Pas facile. Mais ça dépend de la ou période. Rap avec un point d'interrogation aussi, peut-être. Moi, bon, perso, ça sera plus US. D'accord. Donc, plus Kendrick Lamar que Orelsan. Ah ouais, carrément. Ouais. Pourquoi ? Plus pour le son. Oui. Voilà. Ah, au niveau de la prod, ils sont en avance. Plus aucun doute. La rythmique, tout ce qui a tourné, là, je crois que c'était vraiment. Il y a un sens du groove. Ouais, carrément. Qu'on a pas. Ça danse, quoi. Ouais. Ça fait danser, quoi. Après, je sais que là, si je prends du rap français, je vais être trop bloqué sur les textes. Et ça va pas te plaire. Pas ça, mais bon. Je préfère plus vraiment le son. Ouais. Bah, du coup, on a un parti pris, forcément, parce qu'on dans un cas, on comprend, dans l'autre, on comprend pas, quoi. Du coup, on comprend. Il y a pas mal de ça. Ouais. Non, mais on écoute pas pour la même raison, quoi. Bah ouais. Du coup, ouais. C'est ça. Du coup, moi, j'aurais tendance à dire plutôt rap français, parce que dans ce genre de musique, j'ai quand même envie de savoir de quoi il parle. Mais en même temps, la musicalité du rap, ils ont une musicalité qu'on a pas encore, ou que tous les groupes n'ont pas, quoi. Mais qui tient pas mal à la langue anglaise, j'ai l'impression. Ah bah ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, est-ce que le français ça sonne ? Ouais, c'est la vraie question. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain ? Tiens. On chante, moi je trouve que ça sonne, ça peut sonner, ouais. Ça peut, hein. Ouais, ça peut sonner. Mais j'ai l'impression que c'est réservé quand même à une élite, quoi. Bah, des fois, je sais pas, c'est le type de voix, c'est pas évident, Non, mais tu prends par exemple Joe Star, qui a quand même une sacrée voix, quoi. Ça pose un peu aussi. Hein, ah, voilà, Joe Star, ça sonne. Bon, après, le personnage est assez détestable, hein. Moi, j'ai... Mais là, les premiers albums de NTM, il y a super truc, hein. Ah, et carrément, mais c'est très... Mais même pour rechercher un peu plus récemment, là, il a fait un duo entier sur un album avec un groupe qui s'appelle Caribbean Dundee. Et c'est Joe Star et un autre rappeur beaucoup plus jeune. Et ça sonne, voilà, c'est originaire aussi des Caraïbes. Et ça sonne à mort, quoi. Mmh. Ça sonne à mort. Joe Star, Kool Shen, tout ça. Après, ouais, on pourrait faire plein de débats. IAM. On pourrait faire IAM ou NTM. IAM, ouais. C'est ça. Ouais, ça pourrait être un débat, mais ouais. Moi, je suis NTM. Ça pourrait être un débat. Et oui, non, mais bien sûr. Mais c'est... Après, moi, j'aime bien le côté très slam aussi du rap français. Il y a eu un moment là où ça c'est parti un peu là-dedans avec le Club des Losers, ce genre de. Ah ouais, le Club des Losers, ouais, super. Je ne sais pas si je me suis permis d'en passer un jour, mais. Alors, ça peut aller un peu loin, c'est vrai. Et pas forcément du côté musical. C'est un peu un reproche, mais moi, je me souviens d'avoir vu ça en concert. C'est quand même un sacré voyage, quoi. Club des Losers, ouais, j'ai vu aussi en concert à Lyon. Mm. Et Fouzati, donc le rappeur, et c'est un mec absolument détestable en fait. Si on regarde, il fait tout pour. Il fait tout pour. Ouais. Et même en concert, il était en train de cracher sur le technicien son entre chaque morceau. Il a failli se faire sortir en fait. C'était génial. Bonne soirée. c'était une soirée de folie quoi. À la Marquise à Lyon dans une péniche, c'était glauque à souhait. C'était génial. Mais Club des Losers, j'ai dû en parler quand même, je pense. J'ai dû choper un morceau relativement soft, mais c'est un artiste à écouter, Fuzzati, quand même. Mmh. Il a fait notamment un truc qui est nettement plus écoutable, qui s'appelle le Club des Sept. Oui. Je sais pas si t'as suivi ça. Ça c'est génial parce que t'as sept... Sylvain, tu connais ? Ouais. T'as sept autres rappeurs, du coup. Enfin, en tout, ils sont sept. Et du coup, t'as notamment Gérard Bast des Zwinkels. Et ça envoie, c'est génial. Le Club des 7, c'est vraiment bien. Avec toujours un espèce de fil rouge sur des gamins à la récré, tu vois. C'est comme 7 gamins à la récré qui viennent rapper. C'est vraiment écouter ça. Donc, rap FR, rap US, voilà, vous avez tranché. On continue le blind test. Attention, celui-ci, il est un peu spécial. Jean-Philippe des Purple. Non. C'est pas ça. Ah mais non. Ok. Jean-Philippe Flay. Ouais, c'est tout à fait ça. Je savais que j'avais écouté celui-là. Vas-y, redis-le un peu plus fort pour qu'on. Alors Jean-Philippe, mais Sylvain a trouvé aussi. C'est Flayed. Flayed, tout à fait. Est-ce que Sylvain, tu peux présenter un peu le groupe, du coup, on en profite. Eh ben alors le groupe, mais je le connais, ouais. Le présenter rapidement. Vite fait, oui. C'est un groupe de on va dire de hard rock de la vallée du Rhône. Ouais. Voilà. Dans lequel officie notamment notre collègue Jean-Paul qu'on salue. Voilà. À la batterie. Jean-Paul à la batterie. Et donc c'est en effet un beau groupe de hard rock. Ouais. Ça c'est un extrait de le titre du morceau, tiens. Pour voir si vous êtes des vrais fans. Pourtant c'est pas dur. Je me souviens plus. Sympathy for the... Non, c'est pas celui-là. C'est Monster Man, c'est le morceau éponyme du deuxième album. Allez, on l'écoute tout de suite. Solo de guitare comme on n'en entend plus. C'est dommage. Et ça fait bien plaisir, ouais. Donc ça s'appelle Flyed. C'est extrait de l'album Monster Man et le titre c'est Monster Man tout simplement. Voilà. Et bah bravo. C'est qui l'a trouvé finalement ? C'est Jean-Philippe. Mais en deuxième réponse. Donc du coup on l'accorde à Sylvain. Carrément. Allez, un point. Donc, je disais à Sylvain, Jean-Paul m'a dit ils ont signé sur un label international. Génial. Et donc là ils ont enregistré un EP. D'accord. Qui va sortir, je crois au mois d'octobre. Il me dit, on est dans un tournage de clip vidéo, un truc assez énorme. D'accord. Ça grossit de plus en plus, donc c'est chouette. Donc ils ont signé, quoi. Ouais, ils ont signé sur un label. Alors on peut peut-être lancer le débat, à quoi ça sert de signer sur un label aujourd'hui ? Ah bah ça, après. Puisqu'on peut faire une super production dans sa chambre. Disons que surtout au niveau distribution, marketing, promo et tout, c'est... C'est pas la même chose ? Une bonne promo sur internet C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais après, il faut avoir les moyens de le faire aussi. Du temps et tout, quoi. Avoir du temps. Parce qu'après, il y a des gens, justement, qui te prennent avec eux, qui font ce boulot-là. Et oui. C'est dur de savoir tout faire. Il voilà. y a une transformation, quand même, du métier de producteur. Ah oui, c'est ça qui est vachement bien aussi. C'est que, justement, maintenant, tout le monde peut se débrouiller, quoi. Alors, si je peux donner quelques chiffres que j'ai vaguement en tête, en gros, les maisons de disques ont perdu 40% de leur thune en 15 ans. Et parallèlement, du coup, elles se sont couplées à des activités de tourneurs et elles ont gagné 40% de leur thune en 15 ans. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, il n'y a quasi pas eu de perte. Alors, il y a eu des fermetures, il y a eu de la casse quand même. Il y a eu de la casse. Mais en termes de revenus, ça n'a pas tant bougé que ça. Par contre, ça s'est resserré autour de quelques artistes, en fait. Et la prise de risque a été vraiment... limité au maximum, et du coup ça fait plaisir de voir qu'il y a encore un peu, enfin, on parle de prise de risque. Par exemple, pour Flight, c'est quand même des mecs qui ont sorti deux albums qui tournent quand même beaucoup par eux-mêmes, et après les gars, c'est facile d'arriver derrière et de dire nous on sort le chéquier et puis on va vous faire de la com. Ils savent déjà que ça va marcher, quoi. Voilà, la prise de risque, c'est de lancer des groupes pas très connus, de petits jeunes pas... Et ça, les trois majors, parce qu'à la base, il y en avait cinq, il y a 10 ans, maintenant il n'y en a plus que 3, le font plus du tout. Toutes les nouveautés viennent des labels indépendants qui représentent 10% du truc, et absolument que dalle en termes de recettes. C'est un gros débat, parce que ça a complètement changé, et globalement... on est allé dans le sens où les prises de risques se faisaient plus que sur Internet, en fait, en autoproduction. Et c'est le départ de tout projet un peu novateur, quoi. Maintenant, oui, c'est sûr. Ça a changé. On est passé l'étape MySpace, et puis maintenant, maintenant Facebook, YouTube, tout ça. Après, ça rejoint le débat de vivre de la musique ou... Ah voilà, c'est ça le problème. Est-ce que c'est un métier? Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment plus dur qu'avant? Non, est-ce que c'est un métier? Alors, a priori, il y a de plus en plus de gens qui vont voir des concerts. En termes de public, en fait, ça a énormément évolué en 15 ans. Il y a plus de place pour jouer en concert et ramener de l'argent en concert. Ce qui veut dire qu'il faut jouer derrière. Contrairement aux mecs. Il y a plus de concerts. Il y a plus de concerts, il y a plus de festivals, il y a plein de trucs. Surtout sur les festivals, en fait. Les festivals ont énormément. Drainent les trois quarts du public, en fait. Donc, pareil, c'est que c'est un peu dommage. Chez les festivals, tu sais, à l'été, t'auras. Tous les groupes qui vont faire le circuit, ça fait un peu... Ça fait métier, quoi. C'est l'usine. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu l'usine. C'est genre les insus, très bien, mais tu vas les voir partout, là. T'es sûr qu'ils vont faire tous les festivals cet été. Les insus, pour rappel, c'est les nouveaux téléphones. Voilà, quoi. Ça, c'est le renouveau du groupe téléphone. Mais soi-disant que, paraît-il, c'est très très bon sur scène. Sûrement. Je n'en doute pas. Sûrement. Mais voilà, c'est... C'était à Luna, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Oui, il y a des élèves qui ont fait le rapport. C'est ça qui est bien. Par contre, il y a aussi des élèves qui m'ont dit « J'ai vu un groupe en première partie, waouh, No One is Innocent !» Un petit groupe Merde. Donc c'était rigolo. Ça ils ont mis ça en premier. Ouais. No One is Innocent, on en a pas mal parlé dans l'émission. C'est ce qui est assez rigolo dans ce groupe, c'est qu'en fait, il y a que Kemar, le chanteur, qui est commun au début du groupe, en fait. Ouais. Là, on rejoint la notion de marque, quoi. Le groupe, c'est une marque. Et le mec, quand il a racheté la maison de disques qu'il y avait derrière, a racheté la marque, en fait, aux autres musiciens. Pour pouvoir vendre des albums, parce que lui, il a sorti un album solo qui a été un four total. Ah ouais? Ouais, qui est très bien d'ailleurs. Qui est signé Kemar, tout simplement. Et après, pour revendre des albums, il a fallu qu'il se rappelle No One Is Innocent. Bref. C'est un autre débat, mais c'est assez rigolo. Mais ça ne nous donne pas le deuxième groupe, parce que là, on a fait. Donc, on a fait Flight. Premier blind test. Et voilà, encore un. Purple. J'annonce quand même. Il est 21h pour ceux qui écoutent en direct. J'annonce, cette émission va durer plus longtemps que prévu, et c'est très bien comme ça. C'est la dernière, donc on se fait plaisir. Vous n'êtes pas pressés, les gars? Ça va. C'est bon, ça va. Ok. Donc, il y a de la bière. Allez, c'est parti pour le prochain. C'est facile. Merci. je le sentais venir à 3 km à l'heure, écoute un peu. Donc le titre du morceau, c'est quand même ultra facile, vas-y Jean-Phi. Sad but true. Bravo, c'est triste mais c'est vrai. Donc l'idée c'était d'opposer deux groupes, un groupe de hard rock et un groupe de metal, pour faire un débat hard rock contre metal. C'est un débat assez pointu quand même, faut être honnête. Déjà, faudrait faire la différence entre le hard rock et le heavy metal. J'avais fait une tentative d'explication là-dessus quand j'avais fait Fly dans l'album du mois. Et alors... Une des explications, et qui est la plus simple à retenir, c'est que le métal, ça vient des États-Unis et le hard rock, ça viendrait du Royaume-Uni. Jean-Phi, qu'en penses-tu ? Ça peut s'expliquer comme ça. Moi, je vois plus l'idée maintenant. Le métal, c'est des tout, et le hard rock est devenu un mouvement du métal. Un sous-genre du métal. J'aurais dit l'inverse, moi. Le métal est tout, alors. Tout est métal. Voilà. Et après, t'as les sous-genres de métal. Et le hard rock, il serait un sous-genre. Oh, ça peut se tenir aussi. Ça marche. Il n'y aurait pas quelque chose dans la distorsion aussi? Si tu vas dans les sous-genres de sous-genre, ouais. T'as la distorsion qui n'est pas la même non plus. Donc c'est vrai. J'ai l'impression que le métal est pas... Enfin, dans le métal, t'as un type de distorsion avec hyper compressé, hyper... alors que dans le hard rock, t'auras plus la distorsion des amplis, un truc un peu plus vintage, quoi. Ouais, ça dépend, parce que le hard rock actuel aussi, ils ont quand même du gros son, et ça reste du hard rock avec des mélodies vraiment... Tu prends un groupe comme Stone Sour, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais rien. C'est le gars, tu connais Slipknot ? Oui. Le chanteur de Slipknot. D'accord. Qui fait du hard rock, je dirais, traditionnel, gros refrain, couplet, un son très accessible, mais en même temps très très gros son. D'accord, et Slipknot c'est du métal, on est d'accord. Ah, Slipknot c'est plus du métal, plus néo-métal. Néo-métal, ça c'est encore une autre question. C'est le mouvement, après, moi je trouve ça un peu excessif au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'il y a des genres vraiment spécifiques, au son tu les reconnais, quoi. Et aussi au niveau des harmonies choisies et tout ça. Et le tempo ? Parce que là on a écouté un morceau lourd de métal avec Metallica, et un morceau finalement assez rapide, et voire il y a pas mal de ternaire aussi chez Flyde. Et du coup, est-ce que ça fait partie des qualificatifs de chaque style ou pas du tout ? Parce que Metallica, ceci dit, il y a des morceaux très rapides aussi. Hein. Bah oui, ils ont commencé par ça. Ouais, carrément. Ouais. C'était quand même du métal. On peut pas dire que le métal est lent et lourd. C'était alors du trash metal. Alors trash metal, ça irait plus vite que le métal normal. Carrément. Ok. Et moins vite que le speed metal. Mais en plus, il est plus sale le trash. Le speedcore. D'où le nom. Le trash est sale, d'accord. Ouais. Tu vois justement l'évolution de Metallica au début, c'était vraiment des morceaux hyper rapides tout le temps. Ouais. Et sur leur premier album, c'était vraiment d'ailleurs une claque parce que t'avais le son Motorhead, mais avec un son américain et. Les guitares mitraillettes. Et ouais, Motorhead, qui ont lancé le mouvement. Motorhead sont anglais. Voilà. Et après, ils ont suivi ce mouvement, ils sont devenus un peu plus prog. Tu vois, des morceaux un peu plus longs, un peu plus riches. Puis ils ont sorti le Black Album, là, d'où est le morceau. Là, carrément, c'était, on va faire du tube, mais avec un son actuel. Le son est beaucoup plus énorme, beaucoup plus massif, beaucoup plus lourd. Bah, presque néo-métal, alors. Non, le néo-métal, c'est pas tout à fait le même mouvement. Néo-métal, t'as pas de solo de guitare, beaucoup moins. Oui. T'as des refrains plus, encore plus accessibles, bien souvent. Voilà. Ok. Du coup, pour savoir si vous êtes plus hard rock ou heavy metal, alors, les gars. Tu prends tout. Vous prenez tout. Ouais. Trop pointu. Trop pointu. J'ai lâché. Au moment où j'ai dit distorsion, il y a distorsion. Voilà. Ça marche. Non, c'est un délire, mais franchement, moi, quand je me suis lancé pour expliquer Flyde et le hard rock, je me suis dit putain, mais en fait, qu'est-ce que c'est la différence entre le hard rock et le heavy metal, quoi. Je me permets de glisser. Vas-y. Il y a une super bande dessinée qui est sortie sur le métal. Et vraiment, qui fait un petit peu l'historique comme ça, et chronologiquement, tous les mouvements qui se sont créés, avec les influences, les trucs, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui reprennent des titres de chansons de tels groupes, qui sont influencés, tout ça. Enfin, et en fait, tu t'aperçois qu'il y a une espèce de ramification énorme, de genre et de sous-genre. Qui est intéressante. Hein. Il y a un DVD. Il y a un gars qui a fait un film qui s'appelle. Voyage au cœur de la bête. Ah ouais. Où il raconte toute l'histoire du métal. Après, il a fait des films, il a tourné des films pour Motorhead, le gars, il a fait Maiden, tout ça. Mais c'est vraiment. C'est là où je me rends compte que j'ai oublié de présenter Sullivan comme le présentateur de La Bulle Coincée. Oui, je ne sais pas si vous avez donné le nom de l'émission. Ça s'appelait La Bulle Coincée. Voilà. Donc, ça parle de BD et on sent bien que Sullivan est spécialiste. J'en profite. Mais t'as carrément raison. On continue avec un autre extrait qui a cette fois absolument rien à voir avec le hard rock et le heavy metal. J'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Près des mines de Salta, il ne nous fallut qu'une heure et trois jours. 2000 ans que j'attendais ça, qu'on me dise de tels mots d'amour. Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut chaque jour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la équipe. Oui. Pas Benjamin Biolay. Ah, il est bon. Ah, je commençais à paniquer pour savoir ce que j'allais vous faire découvrir, écouter pour que vous trouviez. Mais en fait, il n'a pas vraiment fait de tube, le gars en question. Il a fait des albums exceptionnels, mais. Bravo, Benjamin Biolay, tout à fait. Le titre du morceau ? Non. Non. Palermo Queens, sur l'album Palermo Hollywood qui vient de sortir en début d'année. On en parle un petit peu après. Un autre morceau. Nous lisons en parallèle à 30 cm d'écart. Ah, c'est un polar. Jean-Philippe, un 3 ouais, vas-y, Sylvain. Sylvain Vincent Delerme. Ouais, bon. C'est ça. Ça marche. Ah, du coup, j'ai pas mis le Benjamin Biolay en entier. Bon, on écoute le Vincent Delerme, il est très court. Encore parallèle, pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté quand même. La discussion en parallèle. Le fou rire, la crime à Christie. Et nous rentrons vers notre hôtel. Parallèlement, après minuit. Parallèle, à côté. Dans les rues, nos corps parallèles. Pas les mêmes, pas mélangés. Pas loin et à côté, quand même. Et nous vivons en parallèle. Et la ville nous sépare un peu. Nous nous croisons dans les tunnels. La ligne 13, la ligne 2. Parallèle, à côté. Dans Paris, nos corps parallèles. Pas les mêmes, pas mélangés. Pas loin et à côté quand même. Parallèle. Pas les mêmes. C'était donc Vincent Delerme avec le titre, c'est facile, c'était Les Amants Parallèles. Ah oui, d'accord. Extrait de l'album Les Amants Parallèles. Ça va, c'était facile. Bravo. Du coup, ça sera la fin de ce blind test et puis on va finir par ce petit débat. Du coup, Vincent Delerme ou Benjamin Biolay. Là, je sens que vous allez transpirer. Là. Metallica. Metallica. Non. Non, Gainsbourg. Bah, dans Benjamin Biolay, on entend énormément de Gainsbourg, mais. Mais en même temps, c'est injuste de dire ça, parce que. Pas que, ouais. Pas que. Bah, pas que. Et puis, le gars, il a ses propres textes. Il a ses. Moi, je trouve qu'il est un super compositeur. Même, voilà. Ouais. Benjamin Biolay est très, très fort. Moi honnêtement, à choisir entre les deux, c'est Benjamin Biolay direct. Ah, moi, pareil. Et je ne sais pas si vous avez écouté ce dernier album, La Palermo Hollywood. Non. C'est en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. A priori, une histoire d'amour en Argentine, à Buenos Aires. Et donc, Palermo Hollywood, c'est un quartier de Buenos Aires. Et du coup, il y a cette ambiance en fait, Amérique du Sud, tout le long de l'album, une espèce de mélange du coup entre les musiques d'Amérique du Sud, de la chanson française quand même parce qu'il vient de là, et puis son talent d'arrangeur. C'est quand même un mec qui est arrangeur. Et ouais. Qui est un arrangeur de talent. J'avais entendu un truc là-dessus, un mec qui disait que justement, si Gainsbourg était toujours vivant, il prendrait Benjamin Biolay comme arrangeur. Quoi. Oh, il y a des chances. Oui. C'est cohérent, là. Et c'est du coup un album de Biolay, ça s'écoute super bien pour cette raison-là. Et puis pas que, parce qu'il y a quand même des textes et puis des concepts derrière. Il y a vraiment des morceaux très forts avec des idées très fortes. Et puis cette voix, moi, que j'aime beaucoup personnellement. Un peu plus que celle de Lerme qui est très maniérée et qui. Bon, ceci dit, de moins en moins. Parce que non, bah, je me suis dit, quand on écoute ce oui, titre-là. Ici, ça m'a marqué, ouais. Il commence à chanter, le mec. Mais parce qu'il a, dû subir, il a subi la caricature, je pense, beaucoup ouais, trop. Sûrement. Ouais. Alors, on va pas forcément les opposer parce que le combat a l'air d'être gagné d'avance. Oui. Mais en gros, est-ce que vous écoutez de la chanson française et des mecs qui chantent en français? Ouais. Je dis chanson française, mais peut-être que mec qui chante en français, ce serait plus... Oui. Meuf aussi qui chante en français. Ou meuf, pardon, oulala, c'était complètement sexiste, ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Merci. Moi, j'écoute L.E.J. L.E.J. Alors, toi, t'es génération YouTube à fond, toi. Ouais, moi, je suis génération YouTube à mort. Et qu'est-ce que... Zut, j'ai oublié ce que... Je... L.E.J., pour situer, c'est un trio de trois meufs, dont une avec un violoncelle, et qui font essentiellement des reprises, si ouais, je dis ouais. pas de bêtises. Des espèces de... comment on dit? Des covers, des... Non, ça a un nom, ouais. Des medley. Non, ça, je crois que c'est un autre nom. Non, des... Oui. Oui. Des mash-up. Des mash-up. Ouais, mash-up. Mash-up. Voilà. Wow. Ah oui, ok, d'accord. Et Benjamin Biolay, ouais. Ouais, moi j'écoute. Et Aurel San, voilà. Ouais. Faut l'écouter, cet album de Benjamin Biolay. Franchement, il est super bien, vraiment super bien. Mais il y a eu plein de beaux albums de chansons françaises qui sont sortis. Il y a quand même Dominique A. Ah oui. Qui a sorti Eleor, là. C'est un album grandiose, franchement. Il est magique, quoi. Le dernier Mio Sec est très bien aussi. Mio Sec, moi j'aime bien, mais ouais. Bon, ça vient de sortir aussi, donc faut le temps que ça passe. La Maison Tellier aussi, que j'ai adoré, je ne sais pas si vous connaissez. Si, si. Il y a plein de trucs, mais bon, c'est peut-être pas forcément évident. On est quand même bercé à l'anglophonie, quoi. Et c'est fort dommage. Ah ouais. Ça complique un peu. Non. Je ne sais pas, Sylvain, toi, ton dernier coup de cœur français. Mon dernier coup de cœur français, non mais Dominica. Dominica. Ouais, ouais, il était bien. Ah ouais, carrément. Chouette album. Il y a Mathieu Bogart aussi que j'adore. Oui, Mathieu Bogart. Ça fait long. Ouais, ouais, ouais. C'est déjà des artistes qui sont là depuis longtemps. Il y a longtemps. Pas mal d'artistes français, ouais, c'est vrai, créatifs. Ils sont tous là depuis très longtemps finalement. Alors faudrait trouver un jeune artiste qui est là depuis pas longtemps. Ouais. Ah, il y a une nouvelle scène quand même du côté de. Bah, il y a Fauve, Feu Chatterton et oui. Radio Elvis. Trois groupes qui pour moi sont vraiment frères et qui ont un peu hérité du côté slam et en même temps de la poésie de Noir Désir. Et puis du hip-hop aussi, quelque part. Un espèce de mélange entre tout ça. Je ne sais pas si vous avez écouté Fauve. Fauve, ouais, ouais. Un peu. Ouais. Fauve est nettement plus connu que les deux autres. Les autres sont un peu les successeurs, Feu Chatterton et Radio Elvis. Feu Chatterton, c'est hyper maniéré, c'est un peu difficile, honnêtement. mais Fauve, c'est dark un peu. Toi, tu n'aimes pas trop? Si, il y a des morceaux. Enfin, les textes sont intéressants et la façon de la mettre... Mais j'ai l'impression d'écouter un film sans les images, quoi. Ouais, un peu de ça. Pas forcément agréable. Ah ouais. Moi, je trouve que ça s'écoute bien, Fauve, quand même. Moi, je trouve que c'est compliqué, la chanson française. C'est compliqué. C'est toujours compliqué. C'est vrai. Ouais, c'est pas et complexé, même. Bah, mais surtout, ouais. On n'avance pas beaucoup, je trouve. Mais c'est personnel. On a fait un. Parce que je connais pas beaucoup de choses aussi, mais. J'ai fait une spéciale Parole et musique, c'est un festival sur Saint-Etienne. Et on a épluché la programmation avec Jean, bah, un élève, mais néanmoins ami, qui est allé voir. La programmation en entière, et du coup on a épluché la programmation, on a réécouté, et on sent qu'il y a une ombre de Georges Brassens derrière tout ça qui ah bon qui est, mais non mais c'est terrorisant quoi, les mecs ils en sortent plus, ils en sortiront jamais, c'est terrible quoi. Pas dire ça. Ouais. Enfin, il y a un truc quand même, il y a quand même un truc, mais après il y a plein de belles choses, notamment des voix féminines justement. Alors on a découvert Pomme ou Chloé Lacan, qui sont bon, a priori pas très connues. Mais voilà, qu'on a des propositions qui sont très chouettes aussi. Donc oui, pour résumer, la chanson française, c'est pas un métier facile. Ok, on continue avec... alors le blind test est fini, je sais pas qui a gagné, mais bravo à tous les trois en tout cas. Ouais. Et on continue avec... J'ai pas de nom pour ce qui va se passer ensuite. Mais en tous les cas, j'ai un concept fort, c'est black ou white. Donc je vous passe un titre et vous devez instantanément répondre, donc là vous pouvez aller très très vite, par black ou par white. Attention, c'est parti. Oui, il faudrait... White. Bravo. Allez, on écoute un peu. Ouais, bravo. You got a reaction, didn't you? You took a one orchid. You took a one orchid and turned it blue. Something better than nothing. Something better than nothing is giving up. Donc ça c'était les White Stripes avec Jack White à la guitare et au chant, qui est quand même un mec emblématique, je pense, aux États-Unis en ce moment. C'est, il a son label, il produit plein de mecs, il est partout à la fois, il sort 3 albums par an. Enfin, un grand malade. White Stripes en duo, je crois qu'il y a pas grand-chose qui est sorti depuis quelques années. Il y avait les, comment ils s'appellent là, les Anglais, un bassiste, un batteur. Ça va me revenir. Radio Blood. Pardon. Blood. Radio Blood, non, c'est pas dit. Royal Blood, ouais. Royal Blood. Royal Blood. Tu pensais à ça? Ouais, mon duo. Royal Blood, c'est excellent. Ah, c'est pas mal. C'est excellent ça aussi en formule duo, mais cette fois avec une basse et une batterie. Ouais. Ok, donc ça c'était White. Un point pour Sylvain. Allez, on va essayer de compter les points. Vous m'aidez un peu? On va se servir des. Plus dur. Ça a l'air dur là. Sylvain, t'as l'air d'être sur quelque chose là quand même. T'as une piste là. Non, je me dis vu que c'était White avant, ça doit être Black, mais pourquoi? Et peut-être pas du tout, tu vois. Bah, non, j'ai pas de piste. Je vous passe un autre titre. Attends. Black Sabbath? Non. Non. Des cornes? Non. Mais on se rapproche. Limp Bizkit? Non. Bon, ouais, bon, on se rapproche, hein, mais vous y êtes pas. Et c'était, bah, c'était Black ou White à votre avis? Au pif, bon, ça sert à rien, ce sera forcément au pif. Deftone. Ouais. White Pony. Ouais. Bravo Jean-Phi. Très très fort. L'album White Pony, c'était Deftones. Et d'abord, je vous ai mis Teenager, mais c'était peut-être pas facile. C'était un titre un peu plus loin dans l'album. Et ça, c'était Back to School, un titre de Deftones sur l'album White Pony. Ouais. Donc, on parlait du néo-metal tout à l'heure. Ils ont été affiliés à cette mouvance. Ouais, ils sont plus. Sauf qu'ils se sont toujours défendus de ne pas être du néo-métal, justement. Pour eux, c'était du métal ou du rock, mais ce n'était pas du néo-métal. Ils étaient au tout début du néo-métal. Ouais, même peut-être avant. Avec une vraie personnalité, quoi. Ouais. Voilà, ils ont sorti des albums jusqu'à. Je crois que le dernier n'est pas vieux. Il date de. Bah non, il date de maintenant. Ouais, ils en sortent un, là, ouais. 2016, Gore. Un album qui s'appelle Gore. Donc, Deftones, c'est un groupe qui existe toujours. Pour moi, Deftones et Korn, ça fait partie un peu de la même époque, là. J'ai découvert ça en même temps. Ça reste des groupes que je trouve très bons, perso. Ah, carrément. Allez, on continue. Alors donc, Black ou White? Extrait. À la limite, ça avait peut-être plus cartonné, ça. Bizarrement. C'était c'est le titre le plus écouté, celui d'avant, mais ça vous dira peut-être plus quelque chose. ça la question. Non, toujours pas. Les Black Keys. Eh bah voilà, vous le saviez. Mais oui, mais j'avais. Donc Black, voilà. C'était Black Keys. Tout ça pour dire Black White. Donc c'était les Black Keys. Black, je vous rappelle, Keys, le but voilà. Du jeu, c'est de trouver Black ou White. J'ai perdu le nom. C'était les Black Keys. Bon, allez, plus facile. Les Jackson 5. Donc Black or ouais. White. C'était Michael, ouais, Michael Jackson, pendant sa jeunesse, avec une voix déjà incroyable quand même. Ok, le prochain. Dans un tout autre genre. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. That. That. That. That. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. Gotta get that. Boom boom boom. That boom boom boom. That boom boom boom. Boom boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual shit. I got that boom boom boom. How the beat bang. I like that boom boom pow. Them chickens jogging my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm sold 3008. You sold 2008. I got that boom. On sent qu'on n'est pas dans votre culture. C'est pas évident. C'est pas évident. On voit de la beach. Ah, c'est quand même un gros gros truc qu'on a bien entendu, mais on en a entendu d'autres, ouais, mais... deux encore plus. C'est retenir le nom qui est difficile. Ouais, non, c'est pas facile. Ok. C'était les Black Eyed Peas. Ah, oui. Bah oui, les Black Eyed Peas, donc Black. Bon, allez, plus facile. No singles matter. Donc Metallica. Black, donc Black Album. Black Album. Le Black Album, tout à fait. Bon, bah, laisse un peu. Allez, ça marche. Nostalgique un peu. C'était donc Metallica sur le Black Album avec le titre Nothing Else Matter. Ok, Qu'est-ce qu'on a pu emballer sur ce morceau? Ah, surtout toi, Sullivan, surtout toi. Ouais, mais c'est pas leur meilleure balade. Et voilà la question, est-ce que Metallica a le droit de faire des balades? Est-ce que c'est bien, Jean-Philippe? Carrément. Ils ont le droit. C'est un de leurs meilleurs morceaux. Je pense que la meilleure balade, c'est leur première sur leur deuxième album. Là. C'était comment ça s'appelait? Fade to Black. Fade to Black, c'est une balade pour toi? Bon, ça finit un peu énervé, mais c'est carrément une balade. Dans okay. le style, on appelle ça une balade. Dans le style, c'est vrai, ça marche. Donc ça, c'était Black. Attention, extrait suivant. Black Sabbath. Hey, suspect. Paranoïde. Paranoïde. Paranoïde. Donc oui, c'est ça, c'était Black Sabbath. Je disais, il y a plein de groupes qui sonnent comme ça maintenant. Ouais, tu penses à quoi? Ah bah, je dis, comme Rivalson, ils ont fait des trucs comme ça, il y en a tellement. Et alors, est-ce que c'est du hard rock ou du heavy metal? Ah, Black Sabbath, fondateur du heavy metal. On déconne pas avec Black Sabbath, ok, ça marche. Non mais c'est vrai que c'était un des morceaux avec les paroles les plus torturées aussi. Hein. Ah ouais. Le mec, il raconte quand même qu'il va pas bien... Est-ce que vous pouvez m'aider et tout? C'est un appel à l'aide, un peu la détresse, quoi. Y a Nirvana était directement influencé par Black Sabbath. Hein. C'était d'accord. Un truc un peu dérangé, quoi, tu vois. Qui sonnait... Mais t'as le chanteur qui faisait vachement dérangé, là, Ozzy Osbourne. C'est une figure emblématique. Ouais. C'est pas rangé avec le temps. Ouais. Ils font une dernière tournée, là. Ils l'ont appelé The End. D'accord, Black Sabbath, ils jouent encore, quoi. Et leur batteur, ça m'a fait délirer, c'est le batteur de Rage. Ils ont fait de Rage Against the Machine. Ah ouais. Ouais, ouais. Je sais plus s'il a fait la tournée ou l'album, mais. Excellent. D'accord. Bon, bah, c'était Black, donc. Dans l'art du groove, ils sont pas mal, quoi. Ah, bah, là, ouais, en termes de groove, le batteur de Rage, il se pose là, ouais. Yeah. Allez, Black ou White pour le prochain. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Red. Red, non. Take these sunken eyes and learn to see. Vous l'avez pas là. All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, mais si, mais c'est pas... Blackbird, fly. Blackbird, tu as quelque chose? Non, c'est qui? Blackbird, bird. Déjà, il y a Black. Il y a Black dans la chanson, ouais. Donc Black, ça pouvait marcher comme réponse, mais il y a l'autre réponse qui marche aussi. Oui, mais est-ce que c'est les Beatles? Ben oui. Le White Album. Ben oui. Et donc voilà, c'est ça. Donc on pouvait répondre à la fois Black et White. Ouais, ça marche. Ouais, ils sont malins, ces Beatles, finalement. C'est ça, ils ont tout compris. Malgré leur coupe de cheveux. Tout compris, sauf pour les cheveux. Donc Blackbird, je crois que c'est McCartney qui chante là. Eh ben, vu la voix, ça doit être McCartney. C'est pas celui que je préfère des Beatles. Ben non. Bizarrement, c'est celui qui est encore vivant. Oui. C'est dommage. C'est terrible. L'histoire de l'univers. C'est terrible, mais ouais. Blackbird, mais il est très beau ce morceau. Donc un morceau des Beatles, mais a priori entièrement composé et chanté par McCartney. Quoi. On n'entend pas grand-chose d'autre que McCartney dans l'histoire. Là. L'égocentrisme de McCartney qui ressort. Tu vois, c'est le morceau. Les oiseaux. On entend les oiseaux. Ce qui est marrant avec McCartney, c'est que, enfin, en tous les cas, dans ma vision que j'ai, mais j'ai pas hyper plonger dessus, mais j'ai l'impression qu'il est resté dans les premières périodes des Beatles. Le côté rockabilly, justement, qu'ils avaient au début, Twist and Shout et compagnie, il est resté un peu coincé là-dedans, non? Ah, tu veux dire dans les mélodies un peu faciles ? Bah, dans ce qu'il fait maintenant, dans les mélodies un peu faciles, et puis dans le côté rock'n'roll, quoi, toujours les mêmes accords. Il paraît qu'il fait des concerts qui sont complètement déments, quoi. Ouais, ouais. Moi, de ce que j'ai vu, ça m'a pas donné très envie. Honnêtement. Ouais, j'ai pas vu, moi. Il a produit des groupes aussi, il aide à... Les Scissor Sisters, non, je sais pas si ça te rappelle un truc, ce groupe. Bah si, si. Mmh. Et il y avait McCartney derrière ? Ouais. Ah bah non, je savais pas. Qui avait derrière fait un morceau avec eux et qui les a un peu lancés. Il a dû peut-être le faire pour d'autres groupes. D'accord, bah je sais pas. Je sais pas du tout. Donc en tous les cas, c'était à la fois Black et White, puisque c'était le Blackburn et sur le White Album. Attention, alors là, ça va être très très dur. Waouh ! Mais qui est cet homme ? Est-ce un Baghdadi ? Je ne l'ai jamais vu ici. Attends, Black M. Le rêve bleu. C'était Black. Black M. Bon, on écoute un peu quand même. Bon, Black M. Non. Ah ouais. Bon, je pense que la soirée va se finir plus tôt que prévu. Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le chat. On écoute un tout petit peu. Oyez, oyez, habitants de Bagdad. Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le chat. Prétendant si tu l'es, je te conseille de baisser les armes. Oh, il vient de loin, ne cherchez pas à savoir d'où. Son cœur est libre. Bon, bref, c'était Black M, donc Black, hein. Voilà, on s'étend ou on s'étend pas? Est-ce que vous avez vu le film? Oui. Les nouvelles aventures de Aladdin. Ah, en partie. Toi, t'es. Ah, oui, en partie, ouais. Moi, je suis très amateur de films de merde. Non, mes enfants l'ont regardé. Stéphane, non, je suis en partie, mais bon, ça m'a. Voilà quoi. Bah, je suis arrivé au bout, moi, quand même. Ah, mais, ouais, mais difficilement, mais je suis arrivé au bout. J'aime bien Aladdin, globalement. Oui, mais bon. Oui, moi aussi, j'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire d'Aladdin, mais quand même, pour arriver jusqu'au bout, c'était chaud. Il y a un moment où ça devenait vraiment difficile. Ouais, mais t'es pas aussi, ça va se débat, Black M. Ça va ? Black M, Maître Gims, est-ce que c'est du rap ? Ouais. Ou du rap pour les enfants ? Swagman. Pas évident. Bah, c'est un bon débat, ouais. On peut s'étendre un peu, mais on risque de froisser certains. Oh non. J'avoue que je m'intéresse pas assez à la question. Ouais. Bon, alors, on arrive déjà à notre dernier Black Weight. Attention, ça va être dur. Prince. Ouais, c'est la messie. Eh ben non. Mais oui, bonne réponse. Donc donc tu avais déjà passé Dubaï. Eh oui, le piège. Et voilà, c'est ça la question. C'est quelle année ce morceau? Bah, ça c'était son dernier album Escape. On va dire White. Et bah voilà. Bonne réponse. Avec un featuring avec Justin Timberlake. Ah oui. Ah oui. Non. Allez, on écoute un peu quand même. Qu'à passer, vous avez envie de passer un morceau possible ou ça va être là ? Avec Black et White. Je sais pas, t'as fait l'impasse sur Amy Winehouse. Ouais, pourquoi ? Parce qu'elle a fait un album qui s'appelle Ah ouais, exact. Exact. Qui est bon. Mais j'ai vu qu'il y avait quelques chanteurs. Allez, peu de chanteuses. Allez, t'as raison, ouais. Allez, encore un ou deux pour la route quand même, parce qu'on est bien. Ouais, on est bien. Et Back in Black. Back in Black, ouais, enfin il y en a tellement. Non, mais Amy Winehouse, elle a quand même. Et Painted Black. Elle avait une façon de chanter qui était quand même assez novatrice. Alors moi, j'ai accroché sur ça. Oui, alors, Sullivan, il se passe qu'en fait, on était censé être hors antenne quand on a parlé d'Amy Winehouse. Vous étiez censé faire semblant de découvrir Amy Winehouse. Pardon. Trop bien. Ok, mais ceci dit, je suis pas sûr d'avoir baissé les potards quand on a discuté. On va prendre une bière, ok. Allez, peu importe. On écoute Amy Winehouse parce que c'est quand même super bien. Et avec c'est super bien, Amy. Ouais, avec Back to Black que tu proposais, c'est une très bonne idée dans la thématique. He left no time to regret. Camp his dick way. C'était donc Amy Winehouse. Et oui. Oui. Et donc morte trop jeune, évidemment. Club des 27. Le club des 27. Allez, alors, ça pourrait être une question d'un blind test. Pouvez-vous me citer tous les membres du club des 27? Alors, Jimi Hendrix, Amy Winehouse. Johnny Joplin. Kurt Cobain. Le chanteur des Doors. Il est mort. Morrison. Ouais, Jim Morrison aussi, je crois qu'il en est. On a fait le tour des plus connus. Le mec qui était dans les Rolling Stones. Annie Winehouse, Amy Winehouse, je sais pas si on l'a compté. Mais le mec qui était dans les Stones à la base. Brian Jones, il est du club des 27, je crois. Le premier chanteur des Floyd aussi. Premier chanteur, il est. Sid Barrett ? Non. Il est mort il y a pas longtemps, lui. Il est mort dans sa piscine. Oui, mais c'est. Non, c'est Brian Jones. Brian Jones, ouais. Je crois. Brian Jones, mort étouffé dans son vomi, non, c'est pas ça? Je sais plus. Non, ça c'est Jimi Hendrix. C'est Jimi Hendrix. C'est Paul Scott. Paul Scott, bon, ils sont tous morts. C'était difficile. Ok, bon, ben voilà, le club des. Bob Marley, malheureusement, c'était à 33. 33, Bob Marley. Ouais. Comme le Christ. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Rastafari. C'est pas symbolique. C'est pas hasard. Allez, un dernier Black and White. Mais alors celui-là. Ah. Celui-là. Sylvain, peut-être ? Non, je suis pas sûr. Attends, le refrain, peut-être ? Vas-y, Sylvain, tente-le. Non, je sais pas, on disait Kate Bush, mais c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'était Blake. Oui, c'était Blake. Ben voilà, d'accord. Mon groupe, mon ancien groupe. Oui, voilà, c'était un instant autopromotion. C'est pour ça que j'ai tilté, mais voilà. Je me suis dit, attends, mais le clap, ça. Blake, ouais, je l'ai tenté. Voilà. Oui, c'était pour faire un peu de show. Joli. Voilà. 1053 vues sur YouTube. Vous pouvez participer et être le 1054e. C'est noté. C'était donc Blake, mais B-L-A-K-E. Mmh. Voilà, faut taper Blake Art Project. Puis je fais un petit coup de promotion, un petit dernier instant promo. Je sais pas si vous avez de la pub à faire, tiens, profitez-en. Il y a plein de concerts, il se passe plein de trucs. Là, Jean-Phi, toi, tu es. Ce week-end, il se passe plein de choses. Vas-y, dis-nous tout. Alors, ce week-end, il y a tous les ateliers de l'école de musique du Chélard dont je m'occupe qui vont jouer. Alors, samedi, c'est à l'école primaire, publique. À partir de 18h30. Samedi 1er juillet, c'est ça ? Voilà. Et dimanche 3 juillet. C'est le 2. Et dimanche 2, 3. Ouais. Et le 3, c'est dimanche, on joue à la Palisse. Au café. Chez Bamban. Chez Bamban, voilà. Incroyable. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Il paraît qu'il y a un match de foot important. Mais ça sert à quoi le foot déjà ? C'est bon, voilà quoi. C'est pas trop. Donc, faut pas s'embêter. Il y en a toute l'année du foot. D'accord, bah écoute, super. Donc dimanche soir, il y a tout le monde qui joue chez Bamban et samedi soir à l'école publique. Voilà. Et le 9 août, je joue. Sur la place couverte avec mon groupe, la Open Jam, au Chélard. Sur la place couverte ? Derrière l'église. Petite place, côté de l'église. J'ai jamais vu. Elle n'est pas couverte. Elle n'est pas couverte, en fait. C'est juste son nom. C'est son nom. C'est son nom, c'est la voilà. Place couverte. Ok, ça marche. 9 août. Sullivan, des projets peut-être Oui, ce week-end, on fait un week-end jeu de rôle. Ouais, c'est bien. C'est bien aussi. On s'en fout. Dans deux semaines, par contre, à Desagne, il y a un super festival Musico Source. Ouais. Avec pas mal de groupes, un peu de trad. Ouais, Lojo Trio, notamment. Et puis René Lacaille, le vendredi soir. Voilà, René Lacaille. Pas mal de bons trucs. Quoi. Mais qu'est-ce donc ben, c'est un accordéoniste assez célèbre, figure-toi. Qui fait des super textes, voilà, c'est chansons à texte traditionnelles. donc venez danser des cercles circassiens, ce genre de choses. Trop bien. Et pas que en français d'ailleurs. Ok. Beaucoup de bonnes choses. Je fais une petite pause avant Sylvain, histoire de ne pas terminer sur moi. Il y a aussi une tournée d'un groupe de musique irlandaise. J'allais en parler. Ah, merci Sylvain, c'est cool. Du 14 au 18 juillet, il y aura des petits spots annonces sur RDB. Il y aura une émission avec Sabine aussi qui va être diffusée a priori mercredi prochain. Sabine de Au fil des mots. Voilà, on joue du 14 au 18 juillet. Ça s'appelle, le groupe s'appelle Kitchen Irish. Et on joue à l'eau à la bouche le 14. Allez, je vais voir si je suis suffisamment au point. À Marie Café le 15. Non, ça va être trop dur. Au bistrot de Saint-Fortuna le 16. Au domaine Le Trouillet à La Boussière le 17. Et à Saint-Pierreville le 18. Incroyable. Pas mal. Ok. Et Sylvain, toi, t'avais un album en cours là. C'était, c'en est où? Ah oui, bah alors là, ça sera rentrée, comment dire, septembre. C'est l'enregistrement le plus long de l'histoire de l'enregistrement. Voilà, en fait, on bat des records. C'est bien, c'est important. Non, mais il y a un concert de lancement prévu et du coup, il est en septembre. Donc voilà, en gros. Comment s'appelle le groupe? Gueule Noire, Danone. D'accord. Voilà, ils ont un Facebook, ils ont un Facebook. Voilà. Ils ont un Facebook, ça s'appelle Gueule Noire. Et du coup, c'est toi qui as enregistré, masterisé, leur produit, album, là, récent, voilà, ouais. L'album qui va sortir. Mais c'est un groupe de gens, voilà, Danone. Ok. Et qui ont déjà plusieurs albums à leur actif, on va dire. D'accord. Voilà. Dont le dernier est signé Sylvain. Voilà. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez un petit truc à rajouter avant qu'on finisse cette émission d'une heure 45, quand même? C'est un record. Mmh. Ah oui? Ouais, c'est ça. Voilà. Si vous avez un truc prévu, c'est un peu chaud, là. De sortir les téléphones, envoyer des textos, parce que sinon, ça va être chaud. Bon, c'était super cool en tout cas. Merci les gars d'être venus. C'était une belle dernière émission. Je sais pas s'il y a encore des auditeurs à sortir. Parce que là, on était bien entre nous, là, quand même. Voilà, volontairement, cette émission a duré plus longtemps que prévu. J'espère que, voilà, que vous êtes toujours là, que ça vous a plu, que ce format vous a plu et que c'était une belle façon de finir cette émission. Moi, j'étais vraiment hyper, hyper content de vous avoir reçus tous les trois. Sylvain, ouais, merci à toi, Sylvain. Merci à toi, Sullivan. Et merci à toi, Jean-Phil. Merci à toi, Gaël, d'avoir. Plaisir, ouais. C'était super cool. Merci pour l'organisation. Grosse organisation. Bah, gros boulot, tous les morceaux black and white. Grosse préparation. C'est ça, gros boulot. Bon, ben voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir, adieu, si ce n'est que. Allez, on va dire au revoir. Je suis pas à l'abri de revenir, notamment, il voilà. y a un créneau sur les mercredis soirs qui s'est libéré, donc peut-être que de temps en temps, le mercredi soir, vous entendrez ma voix et peut-être celle d'un de nos trois challengers de ce soir qui se découvre ou redécouvre un goût pour la passion. Ah, on n'a pas dit que Jean-Phi était un animateur historique de la radio des Boutières. Ouais. Attends, quand même, avant de couper, il faut que tu nous dises exactement quand tu étais animateur. Oula, je me souviens plus, dans les années 90. Dans les années 90. Plutôt vers la fin, je crois. Je sais plus. Et tu faisais les matinales, moi, je faisais le matin. On sent que t'es un mec matinal. Ouais. Carrément. C'était bien. Excellent. Des grands souvenirs. Donc tu reviens à la radio. J'ai l'impression que ces dernières semaines, tu es revenu un peu plus là. Ouais. Ah, c'est cool. Donc vous pouvez entendre Jean-Phi ou ses élèves à droite, à gauche, dans les émissions. Et ça, c'est cool. Bon, merci à tous les trois. Et puis merci à tous les auditeurs qui ont écouté cette émission en 2 ans et demi. C'était un vrai plaisir de la faire, en fait. C'était pas mal de boulot, donc c'est aussi pour ça que j'arrête. Mais en tous les cas, voilà, c'était toujours un plaisir d'avoir un petit message, même si c'était pas souvent, ça faisait plaisir. Et puis des gens qui me disaient que... Il n'est pas encore temps de rallumer les portables, les gars. C'est moi qui siffle. Ok, c'est toi qui siffle. Okay. Pardon. Ça marche. Non, mais tu peux siffler. C'est vrai que ça donnait un peu. Hein, quand même. Toujours est-il que, voilà, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi. Je pense notamment à Aurélien et Laetitia et puis à d'autres fidèles de l'émission. Bise à tous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous, les gars, et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Et là, c'est quoi la musique, les gars? Et ben, c'était la même. C'était Blake. Et voilà, c'est ça, la même réponse. Encore autopromotion. Allez, à très bientôt. Allez, un petit dernier spécial, je veux pas quitter l'antenne. Pour ceux qui suivent jusqu'au bout, ce qui est très difficile, Sullivan, oui, Sullivan, si tu m'entends, tu l'as vécu, c'est de... ce qui est très difficile, je disais, c'est de passer l'antenne, c'est-à-dire de couper ton émission et de retourner sur la programmation habituelle de RDB. Parce que là, ça dépend des morceaux. Il y a des fois, c'est très très chaud. Et là, je vais le faire, on va le faire en direct, et c'est là où ça va être drôle. C'est quoi le prochain? Il faut continuer. Bah non, c'est encore un blind test. C'est encore un blind test. Attention, c'est parti, on retourne. Jean-Jacques Goldman. Johnny. Ouais, Johnny. Allez, on vous laisse avec Johnny. Bonne fin de soirée. À très bientôt. Ciao. Restez vivant.